Sur tous les chemins, qu'il pleuve ou qu'il vente, je passe des jours et des nuits. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam, c'est la vie que j'ai choisie. Et j'ai pour jardin la plaine qui change sa robe au retour des saisons. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam, pour y faire des moissons d'horizon. Moi je n'ai pas de maison et malgré tout je crois, oui je crois, que mon ami le tzigane est un peu comme moi, comme moi. Tzigane, oh tzigane, pareil à l'oiseau de passage. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Toi tu es déjà loin, on revient le matin. Tzigane, oh tzigane, nous sommes du même voyage. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Sans peur des lendemains, dans la main du destin. Parfois je me dis qu'à force de suivre les routes du monde au hasard, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam, on ne va nulle part. Mais je ne crois pas qu'il y ait une ville où si je m'installais pour toujours, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam, je trouverai un jour le bonheur et l'amour. Car tout au fond de moi-même, je sais qu'il faudra là, là, que celui que j'aimerais soit un peu comme moi, comme moi. Tzigane, oh tzigane, pareil aux oiseaux de passage. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam, nous serons déjà loin aux lueurs du matin. Tzigane, tzigane, nous ferons le même voyage. Tam tam tam tam tam tam tam tam, sans peur des lendemains, jusqu'au bout du chemin. La la la. Jusqu'au bout du chemin. La, la, la.